lance, frère. C'est que de la musique, la musique. Ok. Je me nourris de MC, de mixtape et de compil, ouais. Les journalistes, j'ai grillé leur combine, j'lâche rien. Tous les quartiers me réclament, ils ont capté le mec cool, ils ont capté le mec calme. J'rappe droit, honnête, Kamel faut le connaître. Au lieu de le juger, de l'insulter sur internet. Bande de peureux, j'rappe, c'est pas pour eux. Tu te lâches derrière ton clavier, c'est tout pourri. Viens, on attend que ça, que tu gazes. Une tarte dans ta bouche avant ta première phrase. Mais c'est tout naze, t'en arriver là. Pourquoi tant de haine dans le milieu du peura? C'est que de la musique, les histoires ont pris le dessus. T'oublies le message et tu t'intéresses plus à l'individu. Tu crois aux rumeurs, t'es à fond dedans. Moi j'oublie mon nom de scène presque tout le temps. Lance top, les mauvais comme sur le net, c'est que de la musique top. Les rumeurs lancées par les traits, c'est que de la musique top. Les soi-disant embrouilles bêtes, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique top. Les questions mal placées, c'est que de la musique top. Le style qui est imposé, c'est que de la musique top. Même le bon son boycotté, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique top. Les petits de 15 piges qui foutent la merde, qui foutent la rage, qui falsifient tous nos messages. La plupart sont des fils à papa. Le skin, si tu le vois, même pas tu le pétas. C'est que de la musique. T'en écoutes quand tu bosses, quand tu marches, quand tu fais le ménage, quand tu fais du sport, quand tu roules, après chacun ses goûts. Pourquoi tu cherches à savoir ce rappeur? Il est doux, il est comment? Il est beau, il est méchant. Contente-toi d'écouter ces gens. C'est chiant à la fin de répondre à vos questions. Le mental dans le rap c'est toute une gestion. Faut bien être entouré pour pas péter un câble. Si tu m'insultes ton cerveau se fait niquer par un diable. Mais c'est tout naze d'en arriver là. Pourquoi tant de haine dans le milieu du peura? Lance top, les mauvais comme sur le net, c'est que de la musique top. Les rumeurs lancées par les traits, c'est que de la musique top. Les soi-disant embrouilles bêtes, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique top. Les questions mal placées, c'est que de la musique top. Le style qui est imposé, c'est que de la musique top. Même le bon son boycotté, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique. Heureusement qu'on a une vie à côté. Heureusement que dans le rap y'a des bons côtés. Dis à tous les rappeurs qui résistent à mort aux haineux qui persistent. Heureusement qu'on a une vie à côté. Heureusement que dans le rap y'a des bons côtés. Dis à tous les rappeurs qui résistent à mort aux haineux qui persistent. Lance, ça t'est vite, frère. Les mauvais comme sur le net, c'est que de la musique top. Les rumeurs lancées par les traits, c'est que de la musique top. Les soi-disant embrouilles bêtes, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique top. Les questions mal placées, c'est que de la musique top. Le style qui est imposé, c'est que de la musique top. Même le bon son boycotté, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique top. Les mauvais comme sur le net, c'est que de la musique top. Les rumeurs lancées par les traits, c'est que de la musique top. Les soi-disant embrouilles bêtes, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique top. Les questions mal placées, c'est que de la musique top. Le style qui est imposé, c'est que de la musique top. Même le bon son boycotté, c'est que de la musique top. C'est que de la musique top, c'est que de la musique. Lance, frère. Pour satellite, négative, musique 2007-2008. Main de maître. C'est que de la musique. Arrête de te prendre la tête. Parle bien. Lance, frère.